donne à chaque de nous rendre heureux. Règne amour, faible tes armes, achève de nous rendre. Le printemps mène nos alarmes, c'est à toi de combler nos vœux. Le printemps mène nos alarmes, c'est à toi de combler nos vœux. Amour discret et fidèle, tu dois réserver tes faveurs, et pour punir les cœurs rebelles, et puiser sur tes rigueurs, et pour punir les cœurs rebelles, et puiser sur tes rigueurs. Règne amour, fais voler tes âmes, achève de nous rendre. Le printemps bannit nos alarmes, c'est à toi de combler nos vœux. Le printemps bannit nos alarmes, c'est à toi de combler nos vœux. Dissipe les jalouses craintes, rassure les timides cœurs, et que jamais de flammes vannes des tendres ardeurs, et que jamais de flammes fendent n'abuse des tendres ardeurs. Règne amour, fais voler tes armes, achève de nous rendre. Le printemps bannit nos alarmes, c'est à toi de combler nos vœux. Le printemps bannit nos alarmes, c'est à toi.